الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. On arrive au rukn al-rabi min arkan al-iman wa huwa al-iman bil-rusul. Donc nous sommes arrivés au quatrième pilier parmi les piliers de la foi, et ce pilier est la foi aux envoyés. ومعنى الإيمان بهم هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادته وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه. La définition ou le sens de la foi aux envoyés, c'est d'avoir la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à chaque communauté donc un envoyé, et il les appelle à l'adorer subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Et c'est aussi de renier ce qui est adoré en dehors d'Allah. وَأَنَّ جَمِيعَهُمْ صَادِقُونَ كِرَمْ بَرَرَ هُدَتْ مُهْتَدُونَ. Et que tous sont véridiques, nobles, dévots et pieux, et ce sont donc des leaders qui sont guidés, des prêcheurs qui sont guidés. وَأَنَّهُمْ بَلَّغُوا جَمِعْ مَا أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ بِهِ لَمْ يَكْتَمُوا وَلَمْ يُغَيِّرُوا. Donc ils ont propagé tout ce dont Allah Azza wa Jalla leur a envoyé, tout ce qui leur a été donc donné de la part d'Allah Azza wa Jalla, et n'ont rien caché, et n'ont rien changé. فَقَالَ تَعَالَى فَعَلَ عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاشْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَصِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Surat al-Nahl 35-36. N'incombe-t-il aux messagers sinon de transmettre le message en toute clarté? Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout ». Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. وَأَنَّ بَعْدَهُمْ أَفْضَلْ مِنْ بَعْدٍ كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Et certains sont meilleurs que d'autres. Et Allah Azzawajal dit, voici les prophètes, vous les envoyez. Nous avons donc préféré des uns aux autres. Certains, Allah leur a parlé et les a élevés en degré. Et nous avons donné à Isa ibn Maryam al-Bayyinat, donc les versets clairs et l'éclaircissement. Et nous l'avons aidé, Biruh al-Qudus. Nous l'avons aidé, donc, Biruh al-Qudus. Ayennahu. وَأَفْضَلُهُمْ أُولُو الْعَزْمِ. Et les meilleurs parmi les envoyés sont أُولُو الْعَزْمِ. Donc ceux qui ont enduré et ceux qui ont patienté. Donc ce sont Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed alayhim salatu wassalam. وَأَفْضَلُ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ هُوَ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. أَفْضَلُ أُولِي الْعَزْمِ هو محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بهم جميعا واجب. Et croire en tous est une obligation. فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم. وبمن أرسلهم وهو الله تبارك وتعالى. Donc mécroire en un seul de ses envoyés, c'est mécroire en tous les envoyés. Et de mécroire en celui qui les a envoyés. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un dit, moi je veux pas croire en Houd, en Daoud ou en Suleyman, il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés. Donc c'est pas juste qu'il mécroit en ce prophète, mais qu'il mécroit en vérité à celui qui les a envoyés. Et Allah dit, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Donc ceux qui ont mécru en Allah et en ses envoyés et ont voulu séparer, diviser entre Allah et ses envoyés et ont dit nous croyons en certains et nous renions certains, et ils ont voulu donc prendre un chemin entre ceux-là, ce sont eux les mécréants en toute vérité. Et nous avons préparé aux mécréants donc un châtiment vil. Et ceux qui ont cru en Allah et en ses envoyés et n'ont pas divisé et séparé entre l'un d'entre eux, ceux-là, donc ils auront leur récompense et Allah Azza wa Jalla est pardonneur et miséricordieux. وَكَمَا يَجِبُ الْإِمَانُ بِهِمْ عَلَى وَجِ الْعُمُومِ مَنْ عُلِّمْنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ نُعْلَمْ وكذلك يجب الإيمان على وجه الخصوص بكل من سمى الله سبحانه وتعالى منهم مع الاعتقاد بأن الله تعالى رسلا سواهم. Il nous est obligatoire de croire en les envoyés de façon générale, de ce qu'on connaît d'eux et de ce qu'on ne connaît pas d'eux, et de croire aussi en eux de façon spécifique et détaillée de tout ce qui nous a été donc mentionné par Allah Azza wa Jal. Et aussi, de croire qu'Allah Azza wa Jal a envoyé, donc des prophètes et des envoyés, que l'on ne connaît pas. On ne les connaît pas, mais pourtant ils ont déjà été envoyés de la part d'Allah Azza wa Jal. Et Allah dit, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ نَقْصَصْ عَلَيْكَ. Donc certes, nous avons envoyé, donc des envoyés, avant toi, certains nous t'avons annoncé, donc nous t'avons cité, donc nous te les avons donc cités, et certains nous ne les avons pas cités. Donc il n'y a pas eu de mention sur certains envoyés ou certains prophètes. وَلَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ بِهِمْ رَفْعُهُمْ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِمْ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ. Et ça ne fait pas partie de la foi en eux de les élever au-dessus de ceux, donc de leur place, et la place dont Allah Azza leur a donnée. Ils sont envoyés, ils sont prophètes, donc on garde cette place, sans diminution et sans augmenter. فَهُمْ عِبَادٌ مِنَ الْبَشَرِ اخْتَرَاهُمُ اللَّهُ وَعَدَّهُمُ الْحَمَلِ لِحَمْلِ رِسَالَتِهِ. Donc, ce sont des serviteurs parmi les humains. Allah les a choisis et les a donc préparés à porter et à propager donc cette révélation, la risala. Taba'i'uhum, taba'i' al-bashar. Leur nature, c'est la nature de l'homme, de l'humain. وَلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِنْ خَصَائِصِ الْأُلُوهِيَةِ. Et ils ne possèdent rien dans les spécificités de la divinité. فَلَا يَعْلَمُونَ مِنْ الْغَيْبِ إِلَّا مَا أَطْلَعَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Et ils ne connaissent de l'invisible que ce que Allah leur a montré. فَقَالَ تَعَالَى آمِرًا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَلَغْ أُمَّتَهُ Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de propager et de annoncer donc ce message à sa communauté, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ dit, certes, je ne suis qu'un homme comme vous. Je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'est quoi? Donc révélé. La révélation vient sur moi. Elle est là la différence. Il est comme nous, sallallahu alayhi wa sallam, sauf qu'ici il y a la différence. C'est quoi? C'est yuha ilayya. La révélation vient sur moi. Donc ici la différence, elle est là entre al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les autres humains. Il dit tout, c'est dans Sourate Al-Kahf, verset 110. Et Fussilat, verset 6. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ الْأَنْعَامُ Verset 50. Dit, je ne vous dis pas que je possède donc les trésors d'Allah et ce qui est donc خَزَائِن, les trésors cachés d'Allah, et que je ne connais pas l'invisible. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je suis simplement ce qui m'a été révélé. Donc ici, un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il montre. Et c'est en détail. Le fait qu'il n'est pas, ne connaît pas donc ce qui se passe dans l'invisible. Il n'est pas ange, il montre bien. Il montre bien qu'il ne fait que suivre, sallallahu alayhi wa sallam, donc ce qui lui a été révélé. تعرف النبي والرسول la définition de Nabi, prophète, et la définition de Rasoul envoyé. تعرف النبي لغة مشتق من النبأ وهو الخبر. Donc النبأ l'annonce. النبي provient du mot النبأ. النبأ c'est الخبر. Le fait d'annoncer les choses. Donc le fait de venir annoncer les choses. وسمي النبي نبيا لأنه مخبر عن الله ou an illahi ta'ala. Il a été donc appelé Nabi car il annonce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, muballighun an amrihi wa wahyih. C'est-à-dire, il annonce clairement tout. Et balagh, c'est-à-dire qu'il annonce de la meilleure façon. Donc il annonce ses ordres et sa révélation. مخبرون أي أن الله أخبره. Donc il a reçu cette annonce, elle provient de la part d'Allah Azza wa Jal. والإرسال في اللغة هو التوجيه. الإرسال في اللغة donc c'est le توجيه, c'est le fait de demander à quelqu'un de faire donc quelque chose de bien précis. الإرسال tu l'envoies pour quelque chose de bien précis, déterminé. وعلى هذا فالرسول إنما سموا بذلك لأنهم وجهوا من قبل الله. رسول donc ils ont été envoyés pour une tâche bien déterminée de la part d'Allah سبحانه وتعالى. Ça c'est la définition de رسول. وقال تعالى ثم أرسلنا رسلا تترى. Et puis nous avons envoyé donc les envoyés les uns après les autres dans le mu'minun. Et ça c'est pour تعريف. والفرق بينهما la différence entre Nabi et Rasoul, Rasoul, Rajoul, Uhiya ilayhi bishamin jadid. Un homme dont une nouvelle législation lui est quoi? Révélée. Wa ursila ila qawmin mukhalifin, liyablughahum risalat Allah. Il est envoyé chez un peuple d'opposants, de ceux qui s'opposent aux ordres d'Allah Azza wa Jal, afin de leur montrer, de leur faire parvenir clairement la risala d'Allah Azza wa Jal. Ka ulil azmi, et parmi eux donc les ulil azmi. Un nabi, rajulun uhiya ilayhi liya'mal bishar'i min qablahu wa yahkum bih. C'est-à-dire qu'un nabi, c'est un homme qui a reçu la révélation de mettre en œuvre et de mettre en pratique la législation du prophète qui était venu avant lui, le fait qui était venu avant lui. Et il va juger avec, comme les envoyés d'Israël qui jugeaient avec la Torah, après Moussa alayhi salam. كالأنبياء من بني إسرائيل من بعد موسى. فقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ليحكموا بها النبيون الذين أسلموا. Certes, nous avons envoyé la Torah, où s'y trouve la guide et la lumière, juge avec les prophètes ceux qui se sont soumis. Donc, la Torah, elle est descendue sur Moussa, mais les envoyés qui sont venus après, les prophètes, ils ont jugé avec. Et ce sont des prophètes. Tandis que lorsque on voit celui qui a reçu donc le Sharh ibn Hassan, par rapport au Nabi, parce que certains disent qu'on a été Yukmar Bitabdirihi, voilà, Yukmar Bitabdirihi, c'est pas possible. Il y a des fois, on retrouve dans certaines explications, là, Yukmar Bitabdirihi. Il n'a pas été ordonné de propager, ça c'est pas possible. Il serait pas, si on dit Nabi, ni prophète, comment il va être Nabi, il ne va pas être, quoi, il va pas être ordonné de propager. An-Nubuwa, Minhatun Ilahiya. Donc, An-Nubuwa, ce travail-là, c'est bien sûr de la part de son Seigneur. Donc c'est bien de la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nubuwa tafaddul wa ikhtiyar min Allah ta'ala. An-Nubuwa, donc c'est une grâce, c'est un bienfait et c'est un choix de la part d'Allah azza wa jalla. Allah yastafi min al-mala'ikati rusula wa min an-nas. Allah choisit parmi les anges, donc des envoyés, et parmi les hommes. Comme il a choisi, donc, maintenant, Jibril alayhi salam, pour le fait de descendre avec la révélation. Et parmi les hommes, donc, ce sont les envoyés, les prophètes. Falaysat ghayat tawsil ilayha turut yani fayabluha bil bashar yani bi juhudihim. Donc, être prophète, c'est pas en vérité une fin en soi-même. Hein, on va appeler les gens et on devient prophète pour que ce soit. C'est pas par les efforts, mais c'est un choix d'Allah Azza wa Jalla envers les prophètes. Personne ne peut être prophète. Personne ne peut s'inventer d'être envoyé ou prophète. C'est pas une fin en soi-même. Voilà, l'autre pas tunnel bilkest. Et c'est pas donc un statut que tu vas acquérir en quoi? En gravitant les échelons. وإنما هي منزلة عالية ورتبة خاصة يختار لها الله تعالى بمحض فضله من يشاء من خلقه فيعدهم ويهيئهم يعني لتحميلها فيحفظهم من تأثير الشياطين ويصونهم عن الشرك فضلا منه ورحمة من غير جهد بذله. Mais c'est plutôt un haut degré et une place qui est spécifique où Allah Azza wa Jalla choisit, et cela est purement donc de sa bonté subhanahu wa ta'ala, de sa grâce. Il le donne à qui il veut, à ses serviteurs, et il les prépare à cela. Il les prépare à ce qu'ils puissent donc porter ce wahi, cette révélation, donc ce qu'ils ont apporté. Et il les protège contre les diables et contre en vérité donc les influences des diables. Et aussi il les protège contre le politisme, de la miséricorde. C'est donc tout cela provient de sa miséricorde et de ses bienfaits subhanahu wa ta'ala. Sans que le prophète n'a d'effort à fournir par rapport à rejeter Shaitan ou à ne pas devenir mushrik. Bel hiya minhatun ilahiya. وَنِعْمَةٌ رَبَّانِيَا. Mais c'est en réalité donc un travail et un statut qui a été donné de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une grâce aussi du Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit subhanahu wa ta'ala أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. بنيام 58. Ce sont eux, Donc Allah a gracié, donc j'ai bien fait, parmi les prophètes, parmi donc la descendance d'Adam, et ceux que nous avons portés sur le bateau, avec Nour, et parmi la descendance d'Ibrahim et Israël, et parmi donc ceux qu'on a guidés et qu'on a choisis. وقال لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. الله عز وجل dit dans sourate al-A'raf verset 144 à Moussa: certes je t'ai choisi sur les gens par donc mon livre, par ma risala et par ma parole. وحكى الله تعالى قال يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام بقوله وكذلك يشتبيك ربك. Et Allah عز وجل mentionne la parole de Yaqub à son fils Yusuf عليهما السلام lorsqu'il dit: et c'est comme cela que ton Seigneur t'a choisi. Et aussi donc ton Seigneur t'a choisi. Sourate Yusuf verset 6. ففي الآية السابقة دلالة صريحة على أن النبوة لا تنال بالعظمة. Et les versets auparavant sont clairs pour montrer que la prophétie ne s'acquiert pas par la noblesse ou par le fait d'être issu donc maintenant d'une famille bien précise ou quoi que ce soit, ou d'avoir un statut bien précis. Cela provient d'Allah directement, subhanahu wa ta'ala, sans que la personne ait les efforts à faire cela. Voilà. بالعمل فهي نعمة من الله تعالى ورحمة نصطفي لها بعد خلقه بعلمه وحكمته. Et ce n'est pas à travers les actes, mais c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde lorsqu'il a choisi donc certaines personnes de ses créatures par sa science à lui subhanahu wa ta'ala et par sa sagesse. فليست لمن يتحراها ولا لمن يتمناها. Ce n'est pas donc pour celui qui la recherche ou pour celui qui l'espère. Tu peux toujours rechercher et espérer. Tu n'auras rien du tout. Sifat al-Rusul wa mu'jizatuhum. Les caractéristiques des envoyés et les miracles. Lorsqu'on parle d'un Rasul, on dit mu'jiza. Lorsqu'on parle d'une personne pieuse, on dit karama. Donc un prodige. Un miracle et un prodige. Même si des fois les gens vont utiliser le mot miracle pour autre, mais le tandis qu'en arabe, on voit la différence. أولاً صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام الرسل هم الأسوة الحسنة في صفاتهم وأخلاقهم والحديث عن صفاتهم طويل جداً لكن يعني نذكر منها. Donc les envoyés sont les exemples, les bons exemples dans leurs caractéristiques, leur comportement et mentionner et parler de cela, donc prendrait énormément de temps. Nous allons donc ici juste mentionner quelques points. أولاً الصدق, la véracité, ils sont véridiques. Premièrement, ils sont véridiques. أخبر الله تبارك وتعالى عن رسوله أنهم صادقون بقوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وصدق المرسلون. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Yassine, verset 52, cela est ce que le miséricordieux a promis. Et les envoyés ont été véridiques. Wa la shakka anna as-sidqa huwa lub ar-risala wa ad-da'wa. Il n'y a pas de doute que la véracité, le fait d'être véridique, c'est la pulpe, c'est l'essence, c'est l'origine de risala et de la da'wa. وبه تستقيم الأمور وتثمر الأعمال. Et par cette véracité, les choses sont droites. Donc toutes les choses, hein, tout ce qui est fait, donc c'est clair, c'est droit, parce que tout est fait avec véracité. Il n'y a pas de trouble. C'est wad. Et les œuvres sont les fruits. On voit les fruits ici. والكذب ici, le kazib, donc c'est yassifatun sayyi'a yantazihu anha yansufatul khalq. Parce que le mensonge, cette mauvaise qualité, les gens, parmi les meilleurs des gens, sont exempts. Les meilleurs des gens sont exempts de quoi? De cette mauvaise qualité. Les gens n'aiment pas les menteurs. Passera un voleur, passera ce que tu veux, il va voler ma femme après, il va peut-être faire ton bord. Mais si les gens ont l'habitude de savoir que quelqu'un ment, il ne vaut plus rien, ses paroles ne valent plus rien. Même s'il aurait fait un mal, comme voler ou quoi, les gens auront plus tendance à lui croire peut-être dans sa parole, que si quelqu'un est connu pour avoir la langue qui amène à quoi à mentir. Deuxièmement, la patience. Et la patience, on le sait. On sait que la patience, c'est quelque chose. Avec la patience et avec la certitude, donc l'imam, la suprématie dans la religion, donc elle va s'acquérir. Et tous les envoyés vont patienter. إن دعوة الناس إلى طاعة الله ويحذرهم من مخالفة أمره عمل صعب ومسك شاق لا يطيقه كل أحد. Appeler les gens à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla et les prévenir contre ceux qui sont en opposition à cela, à ses ordres, et c'est un travail difficile. Et c'est un chemin difficile. Pas tout le monde peut résister à cela. Pas tout le monde n'est capable de faire cela. لكن رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم تقولوا que les envoyés d'Allah عليهم السلام هم صفوة الخلق قد يعني لاقوا في سبيل دعوتهم صنوف المشاق وأنواع الأذى فلم يثن ذلك يعني عزائمهم ولم يوقف أقدامهم. Tandis que les meilleurs des envoyés, les meilleurs des humains, ils ont donc vu et encaissé pour la voie de leur prêche tout type de difficultés et tout type de nuisances et de combats contre eux. Et cela ne a pas en vérité diminué ou enlevé leur envie forte, leur désir de continuer à faire da'wah, et ni cela ne les a arrêtés. Cela ne les a pas arrêtés. فقد قص الله سبحانه وتعالى علينا أخبر بعد أنبيائه. Et certes, Allah سبحانه وتعالى nous a annoncé, donc nous a mentionné certaines annonces de ces prophètes. وما لقوه من الأذى في سبيل دعوتهم. Et ce qu'ils ont reçu comme nuisance et comme mot de la part des autres dans la voie de cette prêche ou de ce prêche. وما كان منهم من الصبر وتحملي في سبيل الظهور الحق وإعلاء كلمة الله. Et comment ils ont patienté et enduré dans la voie de montrer la vérité et de vouloir faire prévaloir et élever la parole d'Allah سبحانه وتعالى. فقد أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر لأسوى بأولي العزم من الرسل. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de patienter en prenant comme exemple Ulul Azmi min al-Rasul, les envoyés qui sont venus avant lui. Ulul Azmi, ils ont l'azim, ils ont quoi? Ulul Azmi, c'est les gens qui endurent et patientent. Ils ont ça. Ils ont enduré. Donc ils ont reçu, ils ont patienté. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés au Nasr. Le Nasr, donc c'est le résultat de le Nasr, c'est la victoire. C'est le résultat de l'endurance et de la patience. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Ahqaf, verset 35, فَاسْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ. Patiente. Comme on patientait, donc أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ. Donc les gens de l'endurance et les gens de la patience parmi les prophètes, parmi les envoyés. Donc ça c'est pour le premièrement. Deuxièmement, mu'jizat ar-rusul alayhi salam. Les miracles des envoyés alayhi salam. Il est connu les mu'jizat ar-rusul بانها les mu'jizat elles sont connues pour qu'elles sont yani كل خالق بالعادة يظهره الله تعالى على ايدي انبيائه ورسله على وجهه يعجز البشر. C'est quelque chose qui sort du commun. Donc, quelque chose qui va sortir du commun et des habitudes. Et Allah le fait montrer donc aux gens, à travers les mains de ses prophètes et de ses envoyés, donc des choses dont les gens ne peuvent pas faire. Les gens en sont dans l'incapacité d'essayer de faire la même chose. Ils n'arriveront pas à faire cela. وقد جرى على أيدي أنبياء الله ورسوله ما تقدم به الحجة ويلزم العقول ويلزم العقول بالخضوع والتصديق بما جاء به الرسول سواء بطلب أقوامهم أو بدون ذلك وتسمى في القرآن آيات وتسمى في القرآن آيات الله سبحانه وتعالى a fait et a donné dans les mains de ses envoyés et de ses prophètes ce qui va donc raffermir la preuve et qui va amener donc à la raison saine à quoi donc à accepter cela, non seulement à rendre cela de véridique, mais aussi à se soumettre humblement à cela dans ce que dont ce dont sont venus avec les envoyés, que ce soit par le fait que les gens de la communauté ont demandé un miracle qu'il n'est pas demandé. Ça peut venir après demande, comme ça peut venir même si on n'aurait pas eu de demande. Et dans le Coran, on appelle cela ayat, signe. Dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cela, il les appelle ayat. Al-Iman bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasoula. Croire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et envoyé. فَتَضَمَّنُوا الْإِيمَانَ بِهِ صَلَى اللَّهُ سَمَّا يَلِي Cela va comprendre, أولا, عموم بِعْثَتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَى النَّاسِ كَافَ De savoir qu'un Nabi صلى الله عليه وسلم est envoyé pour tout le monde. Donc ça, c'est là, elle est globale, elle englobe tout le monde. يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا Ô gens, je suis l'envoyé d'Allah pour vous tous. Al-A'raf 158. وقال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى كل احمر واسود rapporté par Muslim. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit certes l'envoyé, le prophète était envoyé pour sa communauté spécifique, pour sa communauté, mais moi j'ai été envoyé pour tout rouge et noir. Donc ici, un Nabi, ça fait, il sépare les gens en deux couleurs différentes. Donc ceux qui sont noirs et ceux qui penchent vers le noir, et ceux qui sont donc rouges, blancs, ça, de ceux qui penchent vers le rouge. On voit donc la couleur de quoi? Du sang. وَقَدْ أَكْمَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَنَا الدِّينَ وَأَتَمَّ عَلَيْنَا النِّعْمَ وَرَضِيَ لَنَا الْإِسْلَامَ دِينَ Et certes, Allah nous a complété la religion. Et il a aussi parachevé, donc il a parachevé la religion, il a complété sa grâce. Et il a agréé l'islam pour nous comme religion. Ala yadil mab'outh rahmatan lil alamin. Dans les mains de celui qui a été envoyé par miséricorde pour les mondes. Khatam al-anbiya wal mursalin. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le sceau des prophètes et des envoyés. Donc c'est le sceau des prophètes et des envoyés. Donc personne ne va dire, non, moi je suis prophète parce que c'est le sceau des envoyés. Ou personne ne dit, je suis pro-envoyé parce que c'est le sceau des prophètes. Le sceau des prophètes et des envoyés. Qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Ila jami' al-faqalain, al-ins wal-jin. Bashiran wa nazira. Wa da'ayan ila Allahi bi'idnih. Wa sirajan munira. Il est envoyé pour les deux mondes. Donc les humains et les djinns. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle, et lorsque le ulama parle, donc les djinns écoutent et ils prennent le son de cela. Ils profitent. Et c'est pour ça que certains ulama n'oublient jamais de dire Yajibu ala et il soit le djinn. Et vous savez que c'est Cheikh Ibn Baz, rahmatullah surtout, parmi les contemporains. Rahmatullah Ali, rahmatullah wasi'a. Bashiran, annonciateur, wanazira, avertisseur. Donc il annonce de ce qui est bon, il prévient contre ce qui est mauvais. C'est ça l'équilibre dans l'islam. C'est de prévenir contre, d'annoncer les bonnes nouvelles c'est-à-dire face aux bonnes choses, mais aussi de prévenir contre ce qui est mauvais. Ça, celui qui a décidé de prêcher avec une seule voix n'ira pas loin. Il va peut-être ramasser beaucoup de gens parce que c'est ce qu'il cherche. C'est pour ça qu'il ne prévient pas contre ce qui est mauvais. Et celui qui risque de prévenir contre ce qui est mauvais, il va peut-être voir des gens partir, fuir de lui. Mais c'est une obligation de le faire. Le but, c'est pas être jamais mort, être jamais. Le but, c'est pas de rassembler les gens. Le but, c'est quoi? C'est de donner aux gens, donc, d'expliquer aux gens toute la vérité. Et pas une partie de la vérité. Et il appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Par lui-même. بإذنه وسراج المنيرة. Mais c'est une lumière, c'est une lanterne qui éclaire pour les gens. C'est une lumière, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour les gens. فيلزمهم جميعا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يؤمن به يعني استحق عقاب الله. ومن لم يؤمن به استحق عقاب الله. Donc c'est une obligation pour tout le monde. De quoi de suivre. Donc cette risale-là, et celui qui ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc mérite le châtiment d'Allah azza wa jalla. Karelihi min al-kafirin, comme autre, comme c'est-à-dire comme les autres mécréants. Et Allah azza wa jalla dit: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al-islam ad-din. Al-Ma'idah 3. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans Ali Imran 85: Wa man yabtaghi ghayra al-islam ad-din falan yuqbala minhu. Ce jour où j'ai donc parachevé pour vous votre religion, et j'ai complété pour vous donc ma grâce, mes bienfaits, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, donc dans la traduction relative, celui qui désire autre que l'islam comme religion, elle ne lui sera pas accepté. Et petit b, annahu khatam al-anbiya wal-mursalin, faqala ta'ala, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله إليكم وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Certes, Mohammed n'est pas le père de l'un, donc de vos hommes, mais c'est l'envoyé d'Allah et le sceau des prophètes. Et certes, Allah, donc, et connaisseur de toutes choses. C'est le sceau des prophètes, Khatam al-Nabi. Et sous c'est un Rasoul, comme il a été dit auparavant. Donc Rasoul al-Nabi. Donc ici on a vu, donc ce qui a été mentionné par rapport au prophète. Au prophète. Maintenant on va passer au Rukn al-Khamis, au cinquième pilier, al-Imanu bil-Yawm al-Akhir. La croyance au jour dernier. La croyance au jour dernier. الإيمان باليوم الآخر هو ركن خامس من أركان الإيمان. C'est donc le cinquième pilier de la foi. والمراد به الاعتقاد الجازم. صدق. يعني كل ما أخبر به الله عز وجل أو كل ما أخبر الله به عز وجل في كتابه العزيز أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت ويشمل ذلك فتنة القبر وعذابه ونعيمه وما بعد ذلك من البحث والحشر وتطائر الصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار وما أعد الله تعالى لأهلهما فيهما. Cette croyance veut dire d'avoir, il nous demande d'avoir la ferme conviction et de reconnaître cela comme véridique dans tout ce que Allah Azza wa Jalla a mentionné dans ce livre, ainsi tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, à partir de la mort. Donc ça commence par la fitna du qabr, donc ici donc les épreuves de la tombe, ces châtiments, ses grâces, et ce qui vient après cela, comme la résurrection, le rassemblement, ce qui est écrit dans les registres, les comptes, la balance, le jardin, le bassin, le pont, l'intercession, le paradis, l'enfer et ce que Allah Azza wa Jalla a préparé pour les gens du paradis aussi pour les gens de l'enfer. Donc bien sûr c'est un yom radim. Il y a énormément ce sujet en vérité on pourrait y resterait donc des cours et des cours tellement qu'il y a des choses. Al-adillatu ala wujub al-iman bil yawm al-akhir. Les preuves qui montrent qu'il faut croire obligatoirement au jour dernier. يقول تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله وباليوم الآخر وعمل الصالحات فلهم أجر عند ربهم لا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Certes, ceux qui ont cru et ceux qui ont été guidés et les chrétiens et les sabi'in et ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier et ont œuvré de bonne façon, donc ont fait les bonnes œuvres, ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur et nulle peur pour eux et nulle tristesse. Donc ici, man amana billahi wa bil yawmil akhir. Et souvent on voit dans le livre d'Allah Azza wa Jalla donc l'alliance entre la croyance en Allah et le jour dernier. Car on provient d'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah nous a créé, on va revenir vers lui. Et on va revenir vers lui. Et en plus, certains arguments ont dit que parce que Allah Azza wa Jalla, les jours derniers, on ne les a pas, hein, on ne les a pas vus. C'est donc le Aoukad, yani El Raïb, c'est vraiment le Raïb qui n'a pas été vu. Les livres sont là, le Coran est maintenant en face de nous. Ça, là, là. Certains ont vu les envoyés. Certains ont vu des anges. Le destin, on le vit. Et c'est pour ça que le destin dans le Coran, il est séparé. Avec les cinq. Autre pilier. On trouve le destin à part et les cinq piliers à part. Parce que ça rentre dans l'Imam Ibn Raib, dans ce qui va devenir. Mais quand ça arrive, on le sait. C'est notre destin. Il y a 5 minutes, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais dans 5 minutes, Inch'Allah, on sait ce qu'on aura fait. Pourtant, 5 minutes auparavant, on n'était pas au courant. Et ça, c'est pour ça que c'est séparé. Et c'est pour ça que certains savants les appellent Usul al-Khamsa, les cinq piliers. Parce que ces cinq qui sont mentionnés dans le Coran, et pour le Qadar, il est séparé. Il est mentionné des versets à part. Donc, le jour dernier, il est là. Et c'est aussi pour souvenir que la personne se souvienne, lorsque c'est mentionné, qu'elle est sur cette terre pour œuvrer. C'est quoi son but de cette terre? Le but de cette terre, c'est l'œuvre. Comme ça, il n'oublie pas qu'il va revenir vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça te permet de quoi? D'avoir le désir envers Allah Azza wa Jalla et aussi de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit par la suite, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ils n'ont pas peur de ce qui va à devenir, c'est pour l'avenir. Et ils ne sont pas tristés de ce qui est passé. Parce qu'ils sont croyants, chaque année, ils ont fait des bonnes œuvres. Et aussi, ils n'ont pas peur de ce qui va devenir. Ils ont choc. Ils ont le désir ardent de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils ont le bon doute d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est petit temps. Je fais quoi? Je fais quoi, j'éteins? C'est possible de mettre en silence vos trucs ou quoi? Je sais, ça sonne tout seul en même temps. Donc, il vaut mieux toujours quand quelqu'un passe le téléphone de mettre en silence, parce que ça peut gêner, je crois. Mais moi, déjà, on va l'entendre et puis ça peut gêner, non? Sans ça. Petit B, le Qawlu Ta'ala. Même chose, je vais le sonner tout à l'heure. Barakallahu fikoum. Donc, je vais attendre que je vous remette les chats, hein. Si tu veux continuer à enregistrer, vas-y. Coupe et remets. C'est pas un problème. C'est ça, en fait. Qu'est-ce que vous avez, ce que vous avez à faire et remettez la même chose. On passe pas à la télé. Voilà, la télé, une demi-seconde, c'est cher. Mais pas à la télé, si on a trop de mal. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, laisse le birra, an tuwallu ujuhakum, qibala al-mashriqi wal-maghrib. Walakin al birra man amana billah wa al-yawm al-akhir. Donc ici, on revient au thème argumentatif. Donc la piété ne consiste pas à ce que vous tournez vos visages vers l'Orient et vers l'Occident. Tandis que le bir, la piété, c'est de croire en Allah du jour dernier, et au jour dernier. Wal malaika, wal kitab, wal nabiyin, et de croire aux anges et aux livres et aux prophètes. Wa atal mal, ici vous voyez quoi? On retrouve quoi? Al-Qadar, Sayyidi wa Shari. Plusieurs versets mentionnent que les cinq. Et le verset du Qadar, il est à part. Vous comprenez pourquoi? Wa atal mal ala hubbihi zawi al-qurba. Et celui qui donne donc ses biens, alors qu'il les aime, ala hubbihi, il aime ses biens zawi al-qurba, donc aux proches. Wa al-yatama, aux orphelins, qui ne sont jamais oubliés dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Les orphelins, nous défendit, à qui on donne, si on l'avait donné. Si réellement respecter ce que l'on a nous demander, on sait à qui donner. Il y a des orphelins. Wal masakin, aux pauvres. Wal nasabil, à ceux qui sont en voyage et qui sont arrivés donc à un moment donné dans leur voyage et n'ont plus de quoi continuer leur voyage, donc comme bien maintenant, comme argent ou quoi. Wal sa'ilin, ceux qui demandent parce qu'ils ont besoin. Wal fi riqab, wa iqam as-salawat wa ita az-zaka wa ata az-zaka wal mawfun bi ahdihim wa aqama as-sala wa ata az-zaka, donc ils accomplissent leur prière et s'acquittent de la zakat. Wal mawfun bi ahdihim idha ahadu, ceux qui donc pactisent, ceux qui en fait qui respectent leur pacte une fois qu'ils ont pactisé. Wa as-sabirin fi ba'sa'i wa darra, et ceux qui patientent dans les ans et dans la difficulté. Wa hina al-ba's, et au moment de la difficulté. Parce que quand est-ce que la patience, elle est au moment de la difficulté. Trois jours après, c'est plus pareil que au même moment. Et combien de gens ont le jaza, combien de gens donc ont l'effroi et ils sont perdus lorsque leur arrive donc quelque chose et leur afflige un malheur, ou ils vont jurer sur autre qu'Allah, ou ils vont insulter parce qu'ils sont tellement hors d'eux-mêmes. Et c'est là qui est demandé. Donc c'est ici où il est demandé aux croyants en réalité de patienter, tout ça parce qu'il sait très bien que quoi, que tout cela provient d'Allah Azza wa Jal. Il ne peut pas changer. Il se plaint des fois vers l'homme, c'est-à-dire il va se plaindre envers celui qui ne lui fait pas miséricorde de celui qui lui fait miséricorde. L'homme il ne fait pas miséricorde, et à un moment donné l'homme il en a marre de voir quelqu'un se plaindre. Le plaignant, les gens ne l'aiment pas à un moment donné. Ça là là, faut pas rêver, c'est comme ça. Le plaignant, c'est pas un miskin aux yeux des gens. C'est quelqu'un dont, à un moment donné, les gens n'aiment pas. On a marre de ta plainte. C'est lourd. Eh ben, c'est pour ça que notre ami le dit bien, que les gens se plaignent vers ceux qui font pas miséricorde, donc vers l'homme, de celui qui leur fait miséricorde. Parce que c'est le destin, Allah, il a décidé cela. Vous comprenez? Donc il faut pas, alors quand chaque fois, il revient, à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux te plaindre, tu te plains qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ce sont eux qui ont été véridiques, ce sont eux donc ceux qui craignent. Et ici, en vérité, le bir montre en vérité l'islam. Et ici, on a énormément donc de bases de l'islam dans ce verset, qui est très important. Et ce qui nous intéresse ici, donc, c'est la croyance au jour dernier. C'est-à-dire par rapport à notre sujet, la croyance au jour dernier. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, face au bahth, donc, la résurrection, et certes, le jour dernier, vous allez être ressuscité. Et certes, le jour dernier, vous serez ressuscité. Dans Sourate Al-Mu'minun, verset 16. قال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لجبريل عليه الصلاة والسلام حين سأله عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. On a encore parmi les preuves, hadith Jibril عليه السلام. Donc on a déjà discuté de cela. Et parmi les exemples, c'est que tu crois au jour dernier. Adab al-Qabri wa na'imuhu, le châtiment de l'enfer et sa grâce. Le châtiment de la tombe, baratofik, et sa grâce. Tawatarat al-akhbar ani rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi subuti su'al al-malakain wa na'im al-qabr wa azabihi. Donc il y a énormément de textes, de récits prophétiques qui mentionnent et qui affirment la question des deux anges ainsi que les grâces de la tombe et ses châtiments. Fal imanu bizalika wajibun. La croyance en cela est une obligation. ونعيم القبر وعذابه يحصل لمن استحق النعيم أو العذاب. La grâce de la tombe et son châtiment arrivera à celui qui mérite cette grâce ou ce châtiment. قبر أو لم يقبر يعني السباع. Même si il a été donc enterré, s'il est dans une tombe ou pas. Même si Mathieu, imagine, aurait été mangé par une bête sauvage. Un lion ou ce que tu veux. Il a été mangé par un animal sauvage. Avalé. Il n'est pas enterré. Même s'il est comme ça, il va quand même goûter à ce monde qui est particulier. Si on l'appelle Adab al-Qabr, car c'est venu, ce qu'on appelle ça, Makhraj al-Gharib. Parce que la majorité des gens, ils sont enterrés où? Est-ce que la majorité des gens, ils sont mangés par des bêtes? Non, elles sont enterrées. C'est pour ça qu'on l'appelle Adab al-Qabr. Même si certains ne sont pas enterrés, mais le mot ne change pas. Ou ihtaraq, hatta sar yani ramadan, ou gharaq fil bahr, ou ghayra dhalik. Ou s'il aurait été même donc brûlé jusqu'à ce qu'il devienne des cendres, ou non qu'il aurait été noyé dans la mer, donc il meurt dans la mer, dans l'eau. Il est noyé ou autre que cela. Ça ne change rien. On appelle ça quand même Adab al-Qabr. Et c'est pas parce qu'il n'est pas dans la tombe qu'il ne va pas être châtié. C'est pas par rapport au lieu, mais c'est par rapport au fait qu'il soit mort. C'est par rapport à la situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour montrer cela, donc par rapport à le su'al fil qabr, le dalil qui mentionne la question. Et les questions dans la tombe, c'est « يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي حَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْحَلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاء » Surat Ibrahim, verset 36. Allah affirme ceux qui ont cru par la parole, donc ferme. C'est quoi? Après le ثابت, c'est quoi? La ilaha illallah, na'am. Dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est quoi l'au-delà? Hein? En fait, akhira, c'est quoi ici? Qui a dit par hasard? Naam, adab al-qabr. Le qabr, naam. C'est ça. Et c'est l'akhira, c'est pas, ça veut dire après la résurrection, dans ce verset. Mais c'est dans la tombe. Quel est le dalil? Vas-y. La tombe est la première demeure de l'au-delà. Donc le début de l'au-delà, c'est déjà la tombe, c'est déjà la mort en vérité. C'est déjà la tombe. Ça, dès qu'il y a la mort, ça y est, c'est déjà, on entre dans l'au-delà. C'est pour ça que ce verset ici ne mentionne pas l'au-delà dans le sens, hein, après la résurrection, mais dans la tombe. Parce que ici, c'est par rapport, Allah va affirmer donc ceux qui ont cru dans la vie d'ici-bas, et ils pourront répondre à la question aux anges. C'est ça, là, ici, le tafsir de cela. Bon, pour répondre. Et Allah guide, ou Allah égare plutôt. Allah égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Et elle dit aussi, subhanahu wa ta'ala, An-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiya. Wa yawma taqumu as-sa'a. Adkhilu ala fir'aun ashadda al-'adhab. Et ça encore, c'est pour le qabr. Le feu va leur être montré quand? Matin et soir. Deux fois dans la journée, ils vont voir le châtiment. Ils verront donc leur place, c'est-à-dire ceux qui méritent la place en enfer. Ils verront deux fois dans la journée leur place en enfer. Et le jour où l'heure donc surviendra, entrer donc les proches de Pharaon, au plus hein, dans un châtiment donc le plus dur, dans le châtiment le plus dur. Et ça, c'est déjà un châtiment que de le voir là. Ça ou là. Voir un châtiment, c'est un châtiment ou pas? Même si tu n'as pas touché encore ce châtiment. Le voir deux fois par jour. C'est pour ça que quelqu'un fait, qu'est-ce qu'il dit dans la tombe? Hey Rabbi, là, tu crées mon sa'a. Il dit, oh Allah, ne fais que l'heure ne surène pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qui va advenir après est plus grave que ce qu'il est en train de subir actuellement. Contrairement au croyant, il dit quoi le croyant? Il dit, hey Rabbi, crée mon sa'a. C'est le hadith qui est hein, lequel? C'est qui hadith qui? Al-Bara'a ibn Azib. Ça là là. Hadith pas oui. Vous le connaissez donc par rapport à la mort lorsque l'ange va mourir. Donc ce hadith qui est très important. Avec ce hadith on peut donc faire des cours et des cours. Petit C. Rawahu al-Bukhari an Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Qal marra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى أنها كبير يعني أما أحدهما فكان يسحب بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستطير من بوله فقال ثم أخذ عودا رطبا فكسره يعني بسطتين ثم يعني غرز يعني كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يأمسا رواه من البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم rapporte un hadith rapporté par Al-Bukhari où il dit النبي صلى الله عليه وسلم dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari c'est Ibn Abbas qui dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم est passé auprès de deux tombes. Il a dit certes les deux sont châtiés mais ils ne sont pas châtiés pour de grandes choses. Mais en réalité, si c'est quand même grave. Dans le sens ici, Kabir, Massan, ça peut être Shirk ou autre. Si, c'est quand même grave. L'un d'entre eux, donc, Kana Yashab bin Namim, il était quoi, donc il faisait? Hein? De la médisance. Il faisait la médisance. Il le médisait. Et Namima, c'est quoi? C'est Nakh Akhbar, Ben Acharsen, les Qazil Ifsed. Pourtant, quand on a le haq, il dit la vérité, il dit des vraies choses, mais ce qu'il veut, c'est que les deux se disputent, c'est que les deux ne se parlent plus. Donc il veut en vérité séparer entre deux personnes qui s'aiment à l'origine. Et même, comme le dit, donc les saints ulama disent, il y a un homme, hein, fi sa'a, ma la yusilu sahel fi shahr. Certains fait 7 attachements. Donc le namam, celui qui fait le namima, donc va en vérité se mettre, il va semer le désordre, hein, et la division entre les gens, en une heure, ce que le sorcier n'arrive pas à faire en un mois. Lorsque le sorcier, hein, il fait du troll, jusqu'à ce que les gens vont se séparer. Lui, il arrive en quelques, vite fait. Et les ulama aussi ont dit que Kaboul al-Sa'i, on appelle ça Sa'i. Al-Namima, quand vous allez voir Sa'i, des fois ça veut dire aussi Namima. Kaboul al-Sa'i, Hacham min al-Sa'i. Merci. Acceptez-toi la Namima du Namam, c'est pire que le Namam lui-même. T'as rien fait. T'as fait qu'accepter, t'as fait qu'écouter. T'as l'impression d'avoir rien fait comme péché, ça, là. Quelqu'un évidemment sur lui a dit ça, surtout. Et ça t'a accepté. Et ben, les certains ulama ont dit que cette personne, elle est pire que celui qui fait Al-Namima, il n'y a pas de khilaf. Comme quoi que c'est minute kabaire. Il y a ijma. Comme quoi que ça fait partie des kabaire. Voyez un petit peu le mal. Et donc, ce mal-là amène à quoi? Au châtiment, donc, au châtiment d'Aton. Et l'autre, Amal Akhar Kana La Yastatiru Min Baulihi. Lui, en vérité, il ne nettoie pas de son urine. Il laisse son urine toucher ses habits. Il laisse son urine toucher son corps, il voit cela, mais il laisse faire. C'est pas une goutte qui serait revenue sur toi, t'as pas fait exprès. On parle pas de ça. On parle que la personne sait qu'il est, que ses habits ou son corps sont souillés de cette impureté, mais il laisse. Il se nettoie pas de cela. Wa alaykoum salam. Khal. Donc après, il a pris un morceau de bois, qui était donc il est pas sec, d'accord? Il est encore humide. Il est frais. Donc il y a encore son jus. Et il le casse en deux, mais dans la longueur. Pas dans la largeur, comme ça. Il le casse pas comme ça. Dans la longueur. Enfin, que ce soit deux grands bâtons, d'accord? Et il les pose. Hein? Et il les met, donc chez chacun de, dans chacune des tombes, il dit, en espérant qu'Allah va alléger leur châtiment, tant que ce bois ne sera pas asséché. Mais ça, c'est chasse. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait les arbres qui font exprès certains à cause de ça. Mettre devant les tombes. ou bien des fleurs, ou bien n'importe quoi, ça ne va pas changer quoi que ce soit. Parce que ça, c'était khas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'était pas khas, il l'aurait fait plusieurs fois à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, déjà premièrement. Il l'aurait fait pas qu'à deux temps, mais si c'était sûr que ça marchait, on le fait pour tout le monde. Et ça, ça a été khas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, on n'a pas d'œuvre à faire par rapport à cette histoire. On a juste à croire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc c'est une croyance. Donc on va s'arrêter là, inchallah, pour prendre après la suite. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.